Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Radio Phagette pour votre émission de vulgarisation scientifique Mi-Science Impossible. Mi-Science Impossible est une émission durant laquelle les agents Justine, bonjour Justine. Bonjour Bertrand et bonjour à tous. Gaëtan, bonjour Gaëtan. Bonjour Bertrand, bonjour Justine et bonjour à tous. Et moi-même, tous les trois élèves à l'ENSIC, vous explique à chaque émission le fonctionnement de trois ou quatre phénomènes physiques ou chimiques par le biais de questions-réponses qui vous ont été posées préalablement. Enfin, ça c'est en temps normal, mais à cause des conditions actuelles, nous ne pouvons malheureusement pas venir vous poser les questions dans la rue. Néanmoins, la soif de connaissances devant être rassasiée, nous continuons nos émissions et nous comptons sur vous pour venir sur notre page Facebook pour répondre aux questions, comme certains l'ont fait pour cette émission, et nous les en remercions bien évidemment. Pour info, l'ENSIC est une école d'ingé située en vieille ville de Nancy, dans laquelle on apprend comment fabriquer des produits chimiques, à produire de l'énergie à grande échelle, ou plus simplement passer de l'échelle du laboratoire à celle de l'industrie. On y étudie la physique et la chimie dans le thème de l'énergie et de l'industrie. Mais trêve de bavardage, parlons science. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Justine ? Eh bien, en fait, je vais vous parler de montagne, et plus précisément de la formation de la chaîne des Alpes. D'accord. Et tu veux aussi nous parler d'autre chose, non ? Oui, en effet, nous allons comprendre ensemble comment marche l'électricité statique. Tu parles du truc qui fait tenir les ballons au pull en laine quand on les frotte ? C'est ça. Eh bien, j'ai hâte d'en savoir plus là-dessus. Et toi, Gaëtan, de quoi vas-tu nous parler ? Je vais parler des piles, et plus précisément des piles au lithium. Et ensuite, je vais enchaîner sur les pots d'échappement, bien que beaucoup d'entre nous ne servent plus trop de leur voiture aujourd'hui. Effectivement, avec le confinement, on sort plus trop de chez nous. Enfin, du moins, on essaye. Allez, il est grand le temps de faire un sort à ces questions sans réponse. Agent Justine, nous t'écoutons. Eh bien, que connaissez-vous des Alpes ? Vous nous avez répondu sur notre sondage qu'avant les montagnes, il y avait une étendue d'eau. Bon, cela semble un peu paradoxal à la première vue, mais nous verrons cela dans quelques secondes. Bon, déjà, pour remettre au clair quelques bases de géologie, la Terre est composée de plaques tectoniques qui bougent de quelques millimètres ou centimètres par an. Un peu comme si la Terre était un puzzle géant, mais sphérique. Deux plaques entre elles peuvent soit s'écarter, soit rentrer en collision, soit coulisser. C'est à cause de ces mouvements de plaques qu'il y a notamment les tremblements de terre. Il y a des grandes plaques, si je puis dire, celles que vous apprenez à l'école et qui ont même des noms. Donc, qui sont les plaques principales, et il y a aussi des micro-plaques qui sont de taille très inférieure et dont on a souvent moins connaissance. Alors maintenant, les Alpes. Bon, elles sont bien connues, c'est une chaîne de montagnes s'étalant notamment sur la France, l'Italie ou encore la Suisse. Vous y trouvez de grandes pistes de ski si vous voulez vous amuser un peu avec même parfois un enneigement possible en été. Mais si aujourd'hui on y trouve de très hauts sommets, cela n'a pas toujours été le cas, bien au contraire. Ou je dirais même l'opposé. Et qu'est-ce qui est l'opposé de la montagne ? L'opposé de la hauteur, c'est la profondeur, donc je dirais les océans et plus précisément les gouffres océaniques. Ouais, un grand ravin dans la Terre. Eh bien en fait, il y avait un océan, c'est bien ça, un océan alpin. C'est peut-être assez compliqué de s'imaginer ça comme ça, mais c'est bien réel. On y trouve actuellement des roches qui ne se forment qu'en milieu océanique, ainsi que des traces de vers marins fossilisés, des fossiles d'ammonites, qui sont des espèces de gros escargots dont la coquille pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres de diamètre, ou encore des fossiles de crinoïdes, qui font partie de la même famille que les oursins ou les étoiles de mer. Cet océan était alors en expansion, jusqu'à ce que ce soit autour de l'océan Atlantique de s'ouvrir. Sauf que si ça s'ouvre d'un côté, eh bien ça se ferme de l'autre. Ceci va alors pousser la plaque africaine, donc qui comporte le continent africain pour vous situer, vers la plaque européenne, c'est-à-dire celle où on se trouve. Entre ces deux grosses plaques se trouve une micro-plaque, la plaque adriatique, au niveau du sud et de l'est de l'Italie, ainsi que sous la mer Adriatique. C'est notamment à cause de cette micro-plaque que se produisent malheureusement de nombreux séismes en Italie. Cette petite plaque adriatique va être poussée en même temps que la plaque africaine vers la plaque européenne, ce qui va venir refermer l'océan situé au niveau des Alpes actuelles. Sauf que les plaques, elles vont pas s'arrêter une fois l'océan fermé. Elles continuent encore aujourd'hui de pousser, mais elles sont maintenant en collision. Et si vous prenez deux plaques qui se poussent sans arrêt, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il y en a une qui va passer par-dessus l'autre pour continuer sa course, tout simplement. C'est donc ce qui fait prendre de la hauteur à la plaque et créer des sommets et du relief. Et même que ceci se passe encore aujourd'hui. D'accord, merci à toi Justine pour ces explications. Toutes ces explications me donnent envie d'aller faire un tour dans les Alpes. C'était là où j'allais quand j'étais gamin. Alors, faisons tout de suite une courte pause musicale avec Take Me Home Country Roads de John Denver. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Moonshine, teardrop in my eye, country roads, take me home to the place. De retour sur Radio Fagette et vous êtes toujours au cœur de votre émission Mission Impossible et je suis en compagnie de Justine et Gaëtan. Justine venait de nous expliquer la création des montagnes. Si vous avez raté ça, n'hésitez surtout pas à venir nous écouter à nouveau en podcast ou sur YouTube. C'est donc maintenant à Gaëtan de nous expliquer le fonctionnement des piles et plus précisément des piles au lithium. C'est bien ça ? C'est ça Bertrand. Et avant d'en dire un peu plus, retournons d'abord à la base de la base. Pour vous, de quand date l'invention de la pile ? Alors, j'avais fait des recherches là-dessus. Les premières vraies piles, je crois que c'est 1800 quelque chose. Mais on a trouvé des modèles antiques qui permettaient de faire de la dorure, je crois. Mais je suis incapable de te donner une date. Intéressant. Alors, je ne suis pas trop calé sur le sujet, mais je dirais dans les années 1900 au début. Eh bien, en fait, la pile, dans le sens où on entend la pile moderne, a été inventée au 19e siècle, 1800, tout pile. Et vous imaginez bien que son premier design est bien éloigné des petites piles qu'on connaît aujourd'hui. Depuis, de nombreuses technologies sont venues améliorer l'efficacité des piles et leur endurance. Et surtout, maintenant, on peut les recycler. Dans cette quête de produits toujours plus performants, les ingénieurs ont créé des piles et accumulateurs fonctionnant au lithium. Et donc, quand nous avons demandé pourquoi il était utile d'utiliser des piles et accumulateurs au lithium, vous nous avez répondu que c'était sûrement parce que le lithium est un bon conducteur, ou alors parce que la pile qui fonctionne au lithium est rechargeable. Alors, excusez-moi, je vous coupe, mais avant de poursuivre, est-ce que tu peux juste nous dire quelle est la différence entre pile et accumulateur ? Tu as utilisé les deux termes avant et je ne vois pas de différence. Eh bien, tu as tout à fait de raison de préciser. Et en fait, sur le principe, l'accumulateur, c'est une pile que l'on peut recharger et qui a donc plusieurs cycles d'utilisation. La pile classique, elle, est un produit plus vite périssable. Donc, pour faire écho avec une des réponses sur notre page, les piles, qu'elles soient au lithium ou non, elles ne sont pas rechargeables. Par contre, les accumulateurs, oui. Et une pile, c'est un dispositif qui transforme et stocke l'énergie produite par une réaction chimique en une énergie électrique. Et cette électricité servira à alimenter tout un tas d'appareils divers et variés, comme des télécommandes ou plein d'autres appareils électroniques. En fait, quand on place une pile dans un appareil, de l'électricité se crée et circule parce qu'il y a une différence de potentiel. Et là, c'est le moment où tous ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est la différence de potentiel dans une pile vont pouvoir se la péter et expliquer comment l'électricité circule. On va y aller très simplement et vous allez tout comprendre. Pour imager, dites-vous que le potentiel, c'est comme une altitude. Ça peut être 10 mètres, moins 12 mètres, 350 mètres d'altitude. Il y a un alpiniste qui grimpe et qui a une altitude de 1200 mètres et un plongeur qui est descendu à 50 mètres de profondeur. En calculant rapidement, les deux personnages se trouvent à une différence d'altitude de 1250 mètres. Donc ça, c'est pour l'image. Et bien, dans une pile, il faut vous dire que c'est comme s'il y avait un alpiniste qui se trouve à une altitude, ou plutôt un potentiel positif, et pour info, on appelle ça une cathode. Et il y a aussi un plongeur qui se trouve à une altitude négative, que l'on appelle l'anode. Et plus l'écart entre ces deux altitudes, je veux dire entre les deux potentiels, est grand, plus la pile sera efficace. Du coup, on a décidé d'utiliser le lithium comme une anode, car il est capable d'aller à un potentiel très très négatif, comme s'il était un excellent plongeur, et il pouvait aller très profond, ce qui assure un large écart de potentiel. J'espère que tout est bien clair maintenant. Et du coup, juste pour info, le lithium est un métal qu'on trouve principalement dans la croûte terrestre, d'où on doit l'extraire. Oui, et on s'est mis à utiliser des piles au lithium, car contrairement aux piles alcalines, que le lapin Duracell tient fièrement dans la pub, c'est parce qu'elles fonctionnent bien plus longtemps. En fait, la pile ne produit plus rien, plus d'électricité, quand il n'y a plus de différence de potentiel, c'est-à-dire quand le plongeur et l'alpiniste se trouvent tous les deux au niveau de la mer. Et du coup, il y a deux types de piles. Il y a les piles et accumulateurs avec un lithium solide, métallique. Là, elles sont utilisées pour des appareils qui doivent fonctionner très longtemps et sans qu'on ait besoin de changer souvent, avec un long cycle d'utilisation. Donc là, on peut les mettre dans les montres, les stimulateurs cardiaques, un bon nombre d'appareils auditifs ou encore les détecteurs de fumée. Un dernier mot pour finir. Les piles et accumulateurs, donc je l'ai dit au tout début, sont recyclables et cela nécessite de prendre beaucoup de précautions parce que le lithium est un produit très dangereux pour l'environnement puisqu'il est toxique pour les organismes aquatiques. Donc, ces piles et accumulateurs sont à recycler très précautionneusement et à déposer dans des points de collecte prévus à cet effet pour ne pas être mélangé à d'autres types de piles, car le recyclage ne serait donc pas adapté. Et surtout, il ne faut pas les jeter avec les ordures ménagères. Sinon, les retrouver, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et ça, c'est la catastrophe. Merci Gaëtan. Restons dans le domaine de l'électricité, mais au lieu de la stocker, laissons-la en liberté. Justine, explique-nous le fonctionnement de l'électricité statique, si tu veux bien. Alors, encore une fois, avant de commencer, voyons quelles sont nos connaissances en la matière. Pour vous, l'électricité statique se produit quand on frotte deux matières l'une contre l'autre et que cela arracherait des électrons, ce qui fait que les surfaces conduisent l'électricité. Vous nous avez aussi répondu que c'est quand l'état des atomes est déréglé pendant une très courte période et l'instabilité provoque de l'électricité. Eh bien, vous n'êtes pas mauvais, dis donc, hein, mais rentrons dans le vif du sujet. Alors, vous ne savez peut-être pas d'où ça vient, mais je suis sûre que vous l'avez déjà vécu. Je parle toujours bien du phénomène d'électricité statique. Vous savez, c'est quand on se prend une petite décharge électrique, notamment sur la main, quand vous touchez par exemple un toboggan en plastique, quand vous étiez petit, ça a dû vous arriver. Ou sinon, ça arrive même un peu plus souvent en hiver d'ailleurs, au niveau de notre écharpe par exemple. Ça peut sembler un peu bizarre parce que normalement l'électricité, elle se trouve dans les fils électriques ou au niveau d'une prise quoi. Mais en fait, pour comprendre ce qui se passe, il faut zoomer un petit peu beaucoup. Au niveau d'une des plus petites entités de la matière, qui sont les atomes. Vous savez, la matière est composée de molécules, les molécules d'atomes, et les atomes de protons et d'électrons, entre autres. Pour vous représenter un atome, vous prenez une petite boule qui va en fait être le noyau de l'atome, et donc qui va être au centre, comme dans un fruit. Dans ce noyau se trouvent des protons, qui sont en fait des charges positives, donc des plus. Autour de ce noyau gravitent les électrons, qui sont des charges négatives, donc des moins, qui tournent autour du noyau. Pour comparer ça encore avec quelque chose de visible à l'œil nu, c'est comme si le noyau avec les plus était le Soleil, et les moins sont les planètes du système solaire, et donc qui tournent autour du Soleil. Donc un atome est fait de plus et de moins, les mêmes que sur une pile d'ailleurs. Un atome va être dit neutre s'il a autant de protons que d'électrons, donc autant de plus que de moins. Mais ces électrons qui tournent, ils ont la possibilité de sauter sur un autre atome qui passerait à proximité. Et dans ces cas-là, les deux atomes ne seraient plus électriquement neutres, car il y en aurait un qui aurait trop d'électrons et l'autre pas assez. Donc si vous touchez quelque chose qui n'est plus neutre, eh bien c'est comme ça qu'on va créer un petit courant électrique. Bon, rassurez-vous, ça représente que quelques volts, enfin une charge totalement inoffensive pour nous. Petit truc à essayer aussi, si vous frottez un ballon de baudruche gonflé contre vos cheveux, et que vous plaquez ce ballon contre le plafond, eh bien le ballon va rester collé pendant un certain temps au plafond. Donc à défaut d'avoir de l'hélium pour faire tenir en l'air des ballons. Et ceci est également dû à l'électricité statique, parce que le ballon et le plafond auront une charge électrique opposée et vont donc s'attirer, l'un va être plus et l'autre moins. Ça tombe bien, j'ai des ballons et j'ai un gros pull en laine, je vais pouvoir tester tout ça. Le titre que je vais maintenant vous passer introduit le prochain thème. Tout de suite, Catalyst de Bowling for Soup. You are the catalyst. Vous êtes de retour sur Radio Fagette et vous êtes en plein cœur de votre émission Mi-Science Impossible. Et je suis toujours en compagnie de Justine et Gaëtan. Justine, d'ailleurs, venait de nous expliquer le fonctionnement de l'électricité statique. Si vous avez raté ça, n'hésitez surtout pas à venir réécouter l'émission en podcast sur fagette.net. C'est donc maintenant à Gaëtan de nous expliquer le fonctionnement des pots d'échappement. Oui, Bertrand. Et bon, je vais peut-être pas toujours vous faire plaisir, mais je dois vous rappeler que parfois, on a la circulation alternée pour réduire les émissions de gaz de nos voitures. Et c'est souvent embêtant quand on doit aller au travail ou qu'on doit se déplacer pour tout autre motif. Mais bon, ces mesures, elles sont assez importantes puisqu'elles doivent, elles visent pardon, à réduire les émissions des gaz polluants. Et les pots d'échappement, eux, assurent déjà une première fonction de filtre pour ne pas rejeter trop de cochonneries dans l'atmosphère. Parmi les technologies qui ont été inventées pour un meilleur traitement des gaz d'échappement, les constructeurs automobiles ont créé ce qu'on appelle des pots catalytiques. Et donc, nous vous avons alors demandé comment fonctionnent les pots d'échappement. Vous nous avez répondu que les pots d'échappement avaient peut-être des filtres chimiques pour ne pas laisser passer les gaz les plus polluants. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? On vous explique tout de suite dans cette mi-science impossible. Vous pouvez déjà logiquement vous demander quelles sont les matières qui polluent dans les gaz d'échappement. Eh bien, les particules polluantes que les moteurs rejettent sont issues d'une part de la combustion des hydrocarbures. Ce sont les produits qui se trouvent dans le pétrole qui a donné l'essence qui permet à votre voiture de rouler. Et elle provient d'autre part du rejet des oxydes, comme le monoxyde de carbone, qui est un gaz inodore et pourtant très toxique pour l'homme. Pour éliminer un maximum de ces gaz polluants, on dispose dans les pots d'échappement ce que l'on appelle un catalyseur. Je vais tout de suite vous dire ce que c'est. C'est un produit, le plus souvent un métal sous sa forme solide, qui va permettre de rendre plus facile une réaction chimique. Pour l'anecdote, le platine est un métal qu'on utilise beaucoup comme catalyseur. Et en l'utilisant, on peut obtenir les produits d'une réaction chimique beaucoup plus vite. En fait, le solide va souvent être réduit en de toutes petites particules, comme pour donner une fine poudre. Et du coup, dans les pots catalytiques, on dispose les fins grains de catalyseur sur un support qui a la forme d'un nid d'abeille. Vous savez, les petites alvéoles qu'on peut voir dans les ruches. Le tout nous donne un filtre par lequel les gaz vont forcément devoir passer et les réactions chimiques vont avoir lieu. Mais alors, pourquoi favoriser une réaction chimique dans le pot d'échappement, me direz-vous? Eh bien, on va chercher à utiliser des réactions pour transformer les produits polluants en produits moins impactants pour l'environnement. Par exemple, le moteur va en général rejeter du monoxyde d'azote et du monoxyde de carbone, l'un polluant, l'autre toxique. Eh bien, lorsque ces produits sont à proximité du catalyseur, ils vont avoir plus tendance à réagir entre eux et donner de l'azote. Là, pas de problème de pollution car l'air en est grandement constitué. Et il va aussi donner du dioxyde de carbone, le CO2, malheureusement trop bien connu pour son effet de gaz à effet de serre. On ne peut pas toujours gagner. On peut aussi vouloir piéger les espèces polluantes à l'intérieur du pot. Le catalyseur va permettre de faire des réactions dont les produits obtenus seront retenus à l'intérieur et ne s'échapperont pas. Voilà une invention qui tend à épurer les rejets des moteurs à essence et diesel. Je viens de vous faire la liste des principaux avantages que les constructeurs automobiles ont mis dans les pots catalytiques. Cependant, nous ne vivrons pas dans un monde de bisounours et il n'y a jamais que des avantages. D'une part, le catalyseur a la particularité de ne bien fonctionner que quand le moteur est chaud, pour une certaine température. C'est pour ça que le pot catalytique est moins efficace sur les trajets courts où le moteur n'a pas le temps de monter en température. D'après nos sources, la distance où le pot va commencer à être bien efficace serait d'environ 10-15 km. Et petit point pour la fin et avant de passer au super quiz de Bertrand, je peux vous en dire un petit peu plus sur les catalyseurs. Pour rappel, en tant qu'étudiant de l'ENSIC, où on étudie les réactions chimiques à l'échelle industrielle, on en apprend beaucoup de choses sur les catalyseurs. Et pour la petite anecdote, on peut vous dire que plus de 90% des réactions chimiques dans le domaine industriel sont faites avec des catalyseurs, car ils vont permettre de faciliter beaucoup de réactions chimiques pour un coût économique moindre. Sans transition, c'est maintenant l'heure du quiz. Et malheureusement, en ces temps de confinement, il faut bien garder le moral. Et moi, pour garder le moral, j'ai pas trouvé 36 solutions. Le chocolat, les peluches et les jeux avec les potes. Donc, c'est de ça que traitera le quiz d'aujourd'hui. Enfin, le quiz. les quiz. Et c'est parti pour la première question. À votre avis, lors des 3 jours du week-end de Pâques, quelle masse de chocolat consomme-t-on en France? Je vais vous donner quelques petits chiffres. 500 tonnes, 5000 tonnes, 1500 tonnes, 15 000 tonnes de chocolat. Déjà, peu importe les chiffres, c'est assez énorme pour seulement 3 jours. Ah, c'est trop long, mais c'est en France et pendant le week-end de Pâques. Je vous dis pas combien de fois j'ai terminé avec problème de digestion derrière. Allez, moi je vais dire 1500 tonnes. 1500 tonnes pour Gaëtan. Ah, je serais bien parti là-dessus aussi. Alors, Ouais, ça fait un peu intermédiaire, c'est pas mal. Ouais. 1500 tonnes aussi ? Bah, allez. Hein. Eh bien, vous êtes vraiment pas loin de la bonne réponse, étant donné qu'il vous manque un tout petit facteur 10. C'est effectivement 15 000 tonnes de chocolat qui sont consommées par les Français le week-end, enfin lors des 3 jours du week-end de Pâques. Pour vous donner une petite ordre d'idée, c'est quand même 57 kilos par seconde. Très bien. On en est là quand même. On est un pays de la gastronomie, mais bon. Oui, en effet. Et malheureusement, on est un pays de la gastronomie, mais on n'est pas un pays producteur de peluches. En revanche, nous sommes un pays vendeur de peluches. Vous vous y attendez donc. Combien de peluches sont vendues en France chaque année? On restera sur l'année, c'est plus simple de se représenter. Première possibilité. J'aime bien ce chiffre. Disons 900 000 peluches. Possibilité A. Possibilité 2. 11 millions de peluches. Troisième possibilité. 13 millions de peluches. Quatrième possibilité. 27,3 millions de peluches. Alors. On est encore sur du gros chiffre, hein? Ouais. Ah, c'est par an. Ce n'est. Disons que la peluche, ça a la cote, visiblement, mais moi je dirais le chiffre le plus haut que tu as donné. Je vais partir. 27,3 millions, tu penses? Ouais, exactement. 27,3 millions pour Gaëtan. Justine. Non, je resterai sur 11 millions quand même. 11 millions? Ouais. Ah! Disons que c'est Justine la plus proche. Mais c'est pas 11 millions. Alors, c'est 13 millions de peluches qui sont produites chaque année. Et grosso modo, en termes de marché de la peluche dans le monde, la Chine représente 99% des peluches fabriquées et la France 1%. En France, d'ailleurs, c'est la marque Mabulaire qui est la plus connue. D'accord. Je ne connaissais pas. Je suis content de connaître. Je saurais quoi offrir à ma petite sœur. Très bonne idée. Et maintenant, parlons jeux. Alors, nous ne parlerons pas jeux vidéo, nous ne parlerons pas le nouveau jeu à la mode invoqué par les gamins, nous parlerons du jeu le plus traditionnel qui puisse exister. Bah, je vais vous poser la question, à votre avis, un petit jeu que vous jouez de temps en temps, quand vous n'arrivez pas à vous départager, par exemple, savoir qui va manger en premier, qui prend quoi, qui fait quoi, à quoi vous jouez? Pile ou face? Pierre, feuille, ciseaux. Exactement. Et on va parler de pierre, feuille, ciseaux. Et la question est, laquelle de ces propositions n'est pas une appellation du pierre, feuille, ciseaux dans le monde? Alors, vous excuserez ma prononciation. Le klet, klat, klout en Finlande. Le schnick, schnack, schnook en Allemagne. Le kawi baoui bo en Corée ou le chiam cham choum au Liban. Quand on connaît pas les langues, c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'il pourrait être. Je suis d'accord. C'est pas un piège, hein. Tu peux me redonner la prononciation au Liban, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci. Donc je vais tous les répéter. Donc on cherche la fausse appellation du pierre-feuille-ciseau dans le monde. Donc en Finlande, le klet-klat-klut. En Allemagne, le schnick-schnack-schnuck. En Corée, le kawi-bawi-bo. Et au Liban, le chiam-cham-choum. Bah, pour moi, c'est chiam-cham-choum qui n'est pas véritable pour moi. D'accord. Justine ? Moi, je dirais en coréen, peut-être. C'est une des deux autres possibilités. Je vous laisse une autre chance. Tiens, mettez-vous d'accord sur une réponse. Donc, le klet-klat-klut en Finlande ou le schnick-schnack-schnuck en Allemagne ? Vas-y, Justine, tu penses quoi ? On va partir chez nos amis allemands, alors, peut-être ? Allez, j'allais me tourner là-dessus aussi. C'est pour ça que j'adore ces quiz. Effectivement, ce n'est pas celle-là. La fausse appellation est celle de la Finlande. Effectivement, on ne dit pas klet-klat-klut. Par contre, je suis incapable de vous dire ce qu'on dit. Je ne parle pas finlandais. Prochain voyage organisé, alors. Pourquoi pas ? C'est donc ainsi que s'achève cette quatrième mi-science impossible. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous réécouter en podcast sur le site fagette.net ou sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Instagram. D'ailleurs, si vous avez des questions sans réponse, n'hésitez pas à venir nous les y poser. Nous y répondrons peut-être dans une émission future. Nous nous retrouverons donc dans 2 semaines, le vendredi 11 décembre, de 16h à 16h30. D'ici là, prenez soin de vous et à dans 2 semaines. Salut! À la prochaine!